بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم سنخوض إن شاء الله ثلاثة أسئلة. On va prendre que trois questions aujourd'hui. Le dernier dars dans ce chapitre se clôture par des questions qui sont relatives les unes aux autres. Aujourd'hui, on va prendre de la 43e jusqu'à la 45e pour laisser la 46e à la 50e ensemble. Inch'Allah, car elles sont liées les unes aux autres. Et après ça, Bismillah, on aura fini cette partie du livre. فيقول في السؤال الثالث واربعين 43e question. فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع. Si on te demande combien est-il le type d'intercession légiférée. Et là, on parle d'intercession, de demander une chose à Allah Azzawajal par le biais d'une autre. De demander une chose à Allah subhanahu wa ta'ala par le biais d'une autre. Faqul thalathu anwa' atawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Donc dit ces intercessions sont de trois types. La première, l'intercession par le nom d'Allah et ses attributs. C'est-à-dire qu'on invoque Allah par le biais de ses noms et de ses attributs. Lorsqu'on invoque. Wa dalilu قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Et Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le avec. C'est-à-dire que lorsqu'on invoque Allah Azzawajal, il faut dire Ya Allah, as'aluka bikaza, bismika kaza wa kaza, Ya Rahman, Ya Ghafour. On invoque par ses noms. Et bien sûr, on met le nom approprié à la demande. Par exemple, lorsqu'on fait une demande sur une chose qui demande un pardon, on va utiliser les noms qui sont relatifs au pardon. Par exemple, si on veut faire une demande qui a un lien avec une chose, par exemple, je ne sais pas, de la colère, on va pas l'invoquer avec le nom du Rahman, par exemple. Réalisez-les, on trouve le nom qui est approprié à la demande. ثُمَّ قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى وَاتْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes pieux serviteurs. Dans le premier verset, il est clair qu'il dit qu'on invoque Allah par ses noms. Et dans le deuxième, par ses attributs. Là, Allah Azzawajal nous dit de l'invoquer par le biais de sa rahma. Et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes pieux serviteurs. Donc c'est la première forme de tawassul. Bi asma illa wa sifatihi. Thaniyan. توصل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح. Deuxième, qui est l'intercession du serviteur à Allah par son action pieuse. C'est-à-dire que cette fois-ci, on invoque Allah Azza wa Jal et cela par le biais d'une action pieuse qu'on aura faite, que l'on considère comme ayant été sincère lors de son accomplissement. On invoque Allah Azza wa Jal par le biais de cette action. والدليل قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ceux qui disent Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous donc nos péchés et épargne-nous le châtiment du feu. Dans ce verset, l'invocation se fait par la foi. On invoque par notre iman. Seigneur, nous avons cru. Rabbana innana amanna. Donc, et la foi, c'est un acte du cœur. Également, qui est, apparaît sur les membres et sur la langue. Wa qulu Allahu ta'ala, Rabbana amanna bima anzalta, wa tabana ar-rasul, faktubna ma'a ash-shahidin. Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre, et nous avons suivi le messager, écris-nous donc parmi les témoins. La kadhalik, dans ce verset, toujours par la foi en Allah, et par le suivi de la sunnah, on demande à Allah de nous écrire parmi les témoins. Donc c'est légalement par le biais d'une bonne action. Et dans le hadith, dans la sunna, le hadith des trois hommes qui étaient dans la grotte, dont l'entrée avait été bloquée par la chute d'un rocher. Hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu. Un qui a invoqué par la bienfaisance dont il a fait preuve envers ses parents, qui a fait devancer ses parents sur ses propres enfants. L'autre qui intercédait pour le fait qu'il était sur le point d'avoir des rapports avec la femme qu'il aimait le plus au monde. Et finalement, il a arrêté tout en lui laissant l'argent qu'il avait donné. Et le troisième, c'est un homme qui avait eu des employés. Il les a tous payés, sauf un qui était parti avant de prendre sa paye. Et il a pris cette paye-là, c'est-à-dire l'employeur, et il l'a investi. Et de là, s'en sont multipliés ses biens. Puis par la suite, cet employé qui n'avait pas pris sa paye est revenu et réclamé son salaire. Et là, l'homme lui a tout donné. Le salaire de base et tout ce qui en a été récolté. Alors qu'il aurait pu garder le bénéfice pour lui et donner juste le capital. Il lui a tout donné. Et de là, après que les trois aient invoqué Allah Azzawajal, par cette action qu'ils ont chacun accomplie, ils ont été libérés du rocher, de la caverne dans laquelle ils étaient bloqués par le rocher. Donc une personne qui a fait un acte pieux et qu'il vraiment est conscient qu'il était sincère et qu'il a bien fait, alors il peut invoquer Allah Azzawajal par cet acte. Et j'avais déjà demandé à nos machères, on peut même, ce n'est pas une chose qui est par exemple à usage unique, comme on dit, on peut le répéter. Tu as fait même une seule fois une bonne action, tu te rappelles, tu peux faire un tawassul par cette action-là à maintes reprises. Ce n'est pas limité à une seule fois. Thalithan atawassul bidu'a arajul as-salih. Maintenant, c'est l'intercession par la vocation d'un homme pieux. Et la preuve, c'est le hadith d'Anas ibn Malik qui rapporta lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يخطب ثم جاء رجل فقال يا رسول الله وين الحديث كحتت المطر فضل الله أن يسقينا فدعا فمترنا. Donc cet homme a dit au messager d'Allah, la pluie ne tombe pas, invoque Allah afin qu'il fasse pleuvoir. Le prophète alayhi salatu wa salam invoqua et il se mit à pleuvoir. Et une chose qui est importante, c'est qu'on ne demande pas par le rang du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le tawassul. Car les sahabas ne l'ont pas fait. Cet homme a invoqué en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour eux de son vivant. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, on n'invoque pas Allah azawajal par le rang de son prophète. Ya Rabbana as'aluka bijah nabiyyik bin tafal kaza wa kaza. Oh Allah, je te demande par le rang de ton prophète de nous accorder telle et telle chose. Ça, c'est une chose qui n'est pas légiférée. C'est une chose qui n'est pas légiférée. Ou alors de demander à un mort également. Là, on demande à une personne pieuse qui est vivante. Et d'ailleurs, les sahaba l'ont fait avec Al-Abbas, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est Omar ibn Khattab qui lui a demandé de faire istisqa, demande de pluie. Chose que Abbas, c'est pas l'Abbas, c'est Abbas, il a fait. Et de là, Allah azawajal a répondu. Mais par contre, je sais que Shamokbil, lui, n'encourage pas à trop insister là-dessus, de trop demander aux gens de faire la dua pour nous. Et le hadith, selon Omar, qu'il aurait dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Omar, la tansana min du'aika ya ukhay, oh Omar, ne nous oublie pas dans tes invocations aux petits frères, ce hadith-là n'est pas authentique. Donc là, on a besoin, là, à baisse, de demander à quelqu'un d'invoquer une personne que l'on estime comme étant pieuse, mais prendre cela pour coutume et tout le temps le faire et inutilement, cela ne fait partie de la sunna. Donc les trois moyens de tawassul. Premier, par le nom d'Allah et ses attributs. Deuxième, par les bonnes actions. Troisième, par la demande d'invocation d'une personne pieuse. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que ces trois-là. Le reste, ça tombe dans la bida ou dans le shirk. Thumma qala fi su'al al-rabi'a wa arba'in. 44e question. Fi dhiqil alak, hal fi din bid'atun hasana. Ici, on te demande, y a-t-il dans la religion une bonne innovation? Et d'abord, il faut savoir qu'est-ce que cette innovation, la bid'a. C'est mort hadith ba'd mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa lam ya'mal bihi wa la ashabuhu wa qusida bihi at-ta'abbud. C'est tout ce qui s'est déroulé comme chose nouvelle après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il n'a pas faite ni lui ni ses compagnons, chose par laquelle on cherche un culte, une adoration. Donc c'est une innovation en religion, pas une innovation dans les choses mondaines. Donc c'est ça l'innovation. Donc on dit فَقُلْ كُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ. Dit, toute innovation est un égarement. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, lorsqu'il dit « Wa kulla bid'atin dhalala » que toute innovation est égarement. Et d'ailleurs, même dans le Khutbat al-Haja, qu'on dit en introduction des khutab, des sermons, à la fin on dit bien la même chose « Wa kulla bid'atin dhalala »« Wa kulla dhalatin finnar » que toute innovation est égarement et tout égarement est au feu. Et c'est la 10 de la Jabé Badien qui vient par la suite. Non. Lorsqu'on dit un khel hadith ou khel kalam kalam Allah ou khel hadith hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dhalala. Dit ceci la meilleure parole, plutôt la meilleure parole. Le livre d'Allah est la meilleure guidée et celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les pires des choses sont les inventions en religion et toute innovation est un égarement. Dans une version, tout égarement est au feu. ثم كذلك جاء من حديث سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضتكم على الحوض فمن وردوه شرب منه ومن شرب منه لا يجثمأ بعده أبدا فيرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحكا سحكا لمن بدل و أو بدل بعدي من بدل وغير إذ النبي صلى الله عليه وسلم. Je suis votre devancier au bassin, c'est-à-dire je serai avant vous, je vous précéderai au bassin. Celui qui parviendra, il boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif après cela. Des gens que je connaîtrai et qui me connaîtront viendront à moi. Puis on les séparera de moi, je dirai, ils sont de moi, c'est-à-dire de ma communauté. On me dira, tu ignores ce qu'ils ont modifié, c'est-à-dire innové après toi. Je dirai alors, que soit éloigné celui qui a modifié après moi. Ce qui prouve une chose dans ce hadith, qu'une personne reste sur la base de ce qu'il connaît d'une autre. D'accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, ne savait pas que ces gens-là avaient changé. Donc il les a acceptés, il a dit, ils font partie de ma communauté. Puis, la chose lui a été clarifiée. Ce qui prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Et cela, c'est une chose qui peut arriver avec des savants également, lorsqu'ils font des éloges de certaines personnes. Toi, ils ignorent la situation, et d'autres personnes leur clarifient. Et de là, tu vois que le savant, lorsqu'il écoute ce qu'on lui a dit, qu'il accepte la preuve, revient sur sa première éloge. Et malheureusement, des gens qui ont tendance à jouer et qui sont malhonnêtes en religion vont chercher la première éloge pour dire « Regardez, tel savant fait éloge de un tel et de un tel. » Sans préciser que par la suite, le savant est revenu sur cet éloge. Et quand bien même il ne serait pas revenu, si la personne a été critiquée avec preuve, alors l'éloge du savant n'est pas prise en compte. Et on dirait qu'il ne savait pas. Qu'il n'a pas su ce que d'autres ont su. Donc ce hadith est également une preuve dans cette mas'ala, dans ce sujet-là. ثم يقول في السؤال الرابع والخامس أو عفواً الخامس والأربعين كان سؤال كيستيون فإذا قيل لك من شر البرية الذين يجب علينا بعضهم si on te demande qui sont les pires de la création qui nous est obligatoire de détester فقول هم اليهود والنصارى والمشركون dit ce sont les يهود les juifs les chrétiens et les polythéistes associateurs à savoir que les juifs et les chrétiens sont مشركون. Mais on les différencie des autres du fait qu'ils ont reçu un livre et qu'ils sont plus proches de la vérité. mais qu'ils en soient plus proches, ne veut pas dire qu'ils sont dessus sur cette vérité-là. Et ils font du shirk également. Et dire que ces religions sont monothéistes, cela n'est pas vrai. La base de ces religions est monothéiste. Oui, mais celles qu'eux pratiquent aujourd'hui ne le sont pas. La seule religion monothéiste qui existe aujourd'hui, c'est celle de l'islam. Celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la preuve que ces gens-là, on ne doit pas les aimer, qu'Allah azza wa jal, ou plutôt qu'ils sont les pires de la création, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs seront dans le feu de la Jahannam éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Donc Allah Azza wa Jal, comment est-ce qu'il les a qualifiés? Comme étant les pires de la création. وقال الله عز وجل لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Ceux qui ont là, il a répété le verset. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre d'affection ceux qui seront opposés à Allah et à son messager. Là, il y a une erreur dans la traduction du verset. Pas la bonne. Et quant au verset où Allah Azzawajal fait l'éloge des gens du livre dans le Coran, ce sont les gens du livre qui étaient sincères avant qu'ils ne connaissent la vérité. Ou les gens du livre qui suivaient leur prophète à leur époque. D'accord ? Comme Najashi, par exemple, qui était sincère, et qui, lorsqu'il a entendu parler de Mohammed, il a cru en lui. Ce sont ces gens-là dont Allah Azza wa Jalla fait l'éloge dans son livre. Quant à ceux qui l'ont su, qui ne l'ont pas suivi, ceux-là sont les kuffars. Ce qui ne parle entre eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous savez que les Yahouds n'ont pas accepté Isa, donc de là, ils ont mécru. Et que les Nasara n'ont pas accepté Mohammed, donc de là, ils ont mécru. Et aucun d'entre eux ne croit au Coran qui la parle d'Allah. Donc ils ne sont pas des croyants, on peut faire leur éloge. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الدرس وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ألو في حي صادق الحمد لله